Bonjour, bienvenue dans cette vidéo concernant la pleine lune du mois de mai 2023. Donc je l'ai là sous les yeux, elle aura lieu le vendredi 5 mai à 17h35 GMT, donc plus ou moins à 19h34-35 en France. Alors elle se produira à 15 degrés du signe du Scorpion. Donc lorsqu'une pleine lune en Scorpion se crée, le Soleil est en Taureau et bien sûr la lune est juste en face. Dans le signe du Scorpion, sur le même degré du zodiaque. Cela représente donc une opposition Soleil-Lune. Alors, la pleine lune en Scorpion, elle se situe donc dans l'axe 2, puisque le Taureau, le Soleil est en Taureau, et cela est en correspondance avec la maison astrologique 2, et la Lune, elle se situe dans la maison 8, puisque le Scorpion est en correspondance avec la maison 8. Donc on a ici, l'axe de 8 qui est mis en avant. Alors, la maison 2, c'est la maison des finances, des acquis, des possessions, tout ce qui est matériel, mais ça peut être aussi des acquis autres que matériels. En tout cas, c'est en général une maison qui représente quelque chose de concret. Et la maison 8, elle, eh bien, c'est la maison qui représente les legs, les héritages, les placements financiers aussi, les petites économies ou grandes économies. Et c'est également la maison de l'inconscient, la maison des expériences de vie. Voilà, bon, je ne dis pas tout parce qu'il faudrait faire tout un chapitre sur les maisons astrologiques. Alors, on revient donc à la pleine lune. Donc, ces domaines-là sont bien sûr mis en avant. Et donc, si on revient à cette pleine lune en Scorpion, eh bien, elle nous incite du coup à faire le point sur ce que nous possédons, sur nos avoirs, mais aussi, elle nous incite à mieux définir ce dont nous avons réellement besoin au-delà de nos avoirs actuels. On a le Soleil, on voit bien ici sur la carte, en Taureau, qui nous éclaire sur nos besoins basiques, et la Lune en Scorpion qui nous encourage à revenir à l'essentiel, à rester authentique, à rejeter le superflu, à refuser d'être esclave de notre vie matérielle et d'une certaine idée du luxe. Et donc, cette pleine Lune en Scorpion, eh bien, elle nous rappelle que avoir, c'est bien, mais être, c'est mieux. Alors, on va noter aussi que cette pleine lune en Scorpion de ce joli mois de mai, elle est cette fois aussi une éclipse pénombrale de lune. Donc, petit rappel, une éclipse lunaire, elle se forme quand, eh bien, vous avez la lune qui se trouve dans l'ombre de la Terre. Cela se produit uniquement lors d'une pleine lune quand la Terre est entre le Soleil et la Lune. Et ici, eh bien, on parle d'une éclipse pénombrale parce que la Lune, elle va passer uniquement dans la pénombre de la Terre et non dans l'ombre totale de la Terre. Voilà. Alors, en astrologie, eh bien, une éclipse lunaire, de toute façon, c'est une éclipse lunaire, elle agit sur nos émotions et sur notre monde intérieur. Donc, comme il s'agit ici d'une éclipse pénombrale, elle a quand même moins d'influence qu'une éclipse classique. Mais en tout cas, si on en revient à une pleine lune en Scorpion, eh bien, elle va nous aider en tout cas à mettre en lumière nos ressentis, nos émotions profondes, à les faire ressortir, surtout si elles étaient refoulées, afin d'en prendre pleinement conscience. Alors, la pleine lune en Scorpion, elle nous aide à nous reconnecter avec nos guides spirituels, avec le monde invisible qui nous entoure. Elle peut aussi, plus que toute autre pleine lune, nous apporter des révélations sur notre inconscient. Si on regarde plus précisément la pleine lune du 5 mai 2023, eh bien on voit bien que cette pleine lune en Scorpion et éclipse pénombrale de lune, elle est liée à Mercure, qui est rétrograde, et à Uranus. Là, on voit qu'en fait que les deux astres, Mercure et Uranus, encadrent le Soleil qui se trouve en Taureau. Alors, cela peut nous apporter donc, que dire, une nouvelle étonnante, une nouvelle déstabilisante avec Uranus. Uranus, il provoque une situation inédite, il apporte un élan neuf. Et Mercure, lui, il est rétrograde, donc il nous impose de réfléchir et d'analyser en profondeur ce qui vient de se passer, comment nous le vivons dans le présent et comment nous avons envie de réagir par la suite quand Mercure deviendra direct le 15 mai. Donc, en gros, si une situation ne nous plaît pas, eh bien ce sera alors le moment de crever un abcès et de ne pas rester dans l'incertitude, sinon des malentendus peuvent vraiment nous nuire. La pleine lune en scorpion, elle pointe du doigt ce qui nous chiffonne, elle nous encourage à réfléchir aux moyens de changer les choses, même si nous n'agissons ou si nous n'obtenons des résultats qu'à partir du 15. Donc jusque-là, réflexion, réflexion. Alors, tout le monde est concerné par les pleines lunes, mais les signes ici les plus touchés par cette lune en scorpion, eh bien ce sont bien sûr les scorpions, en face les taureaux, on a également les cancers, les poissons, les vierges, les capricornes, et pour les lions et les verseaux qui sont au carré de cette pleine lune, eh bien la prise de conscience, elle va être peut-être moins bien vécue. Elle va être évidente, mais moins bien vécue et peut-être plus déstabilisante avec cet Uranus. Donc, sur le moment, vous pourriez déstabiliser, mais c'est une pleine lune qui sera constructive quand même. Alors, vous serez aussi plus sensible à cette pleine lune si votre ascendant ou si votre lune natale tombe dans l'un de ces signes. Donc, petit horoscope pour tous les signes. Bélier, alors la pleine lune, elle réveille en vous un besoin profond d'améliorer votre sécurité financière, surtout si vous étiez un petit peu trop poche percée ces derniers temps. Alors, taureau, l'éclipse lunaire, elle joue sur votre relation de couple principalement ou sur vos associations. Donc, soyez à l'écoute des besoins de l'autre afin de les ajuster avec les vôtres. Alors pour les Gémeaux, eh bien c'est le moment de réfléchir aux moyens à employer pour réorganiser votre vie quotidienne. Donc des petits mots psychosomatiques peuvent réapparaître. Creusez le sujet pour y remédier. Ne laissez pas cela comme cela. Pour les cancers, la pleine lune, elle décuple votre intuition. Rien n'a de secret pour vous, vous pouvez résoudre toutes les énigmes. Et en société, et donc miser sur votre première impression, parce que ce sera certainement la bonne. Alors, pour les lions, le flux est trop tendu entre vie privée et vie professionnelle, surtout si vous avez une vie de famille, vous vous sentez un petit peu écartelé. Donc, l'éclipse, eh bien, elle vous réclame de retrouver rapidement des solutions pour changer tout ça, mais vous avez la clé. Alors, Vierge, l'éclipse lunaire, elle peut vous indiquer un nouveau chemin socio-professionnel à suivre si vous étiez perdu ces derniers temps. Alors réfléchissez bien aux reconversions, aux améliorations possibles à apporter à votre poste actuel, etc. Pour les balances, eh bien la pleine lune, elle agit directement sur vos finances, sur vos possessions. Donc un legs ou un dû peut vous parvenir et sinon, eh bien normalement votre situation financière devrait se débloquer, s'améliorer. Alors pour les scorpions, sous l'éclipse lunaire, dans votre signe, vous êtes traversé d'émotions vraiment puissantes. Alors pas de panique, hein, surtout, soyez à l'écoute des messages de votre moi profond afin de mieux répondre à vos besoins. Pour les sagittaires, la pleine lune, elle peut vous apporter une révélation, une solution à une situation qui vous tracassait. Donc méditez également sur les désirs que vous n'osez pas toujours vous avouer. Alors pour les capricornes, eh bien la pleine lune, elle peut vous apporter des soutiens inattendus. Donc amis, alliés, vous tendent la main pour poursuivre vos projets, un projet surtout qui vous posait question, donc suivez votre inspiration. Alors pour les Verseaux, l'éclipse de lune, elle vous incite à évoluer dans votre vie active. C'est le moment de revoir vos priorités, vos envies profondes, n'agissez pas forcément en fonction de ce qu'on attend de vous. Et enfin, pour les poissons, eh bien, la pleine lune, elle vous ouvre à de nouveaux horizons. Les voyages de l'esprit sont vraiment enrichissants et tout aussi enrichissants que les voyages du corps. Donc, n'hésitez pas à méditer, à lire, philosopher entre amis. Vous avez vraiment besoin de transmettre et aussi d'apprendre. En tout cas, je vous souhaite une belle éclipse lunaire, une belle pleine lune, et je vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la prochaine nouvelle lune cette fois-ci. À bientôt !